Dans une initiation quelconque, on peut vivre des périodes où l'intelligence se fout complètement des règles de l'homme, et on appelle ça une initiation. Moi, je l'ai vécu au début. Et à ce moment-là, l'intelligence te fait faire des choses qui ne conviennent pas à l'homme. Mais pourquoi? Pour détruire l'esprit de l'intelligence en toi. Mais automatiquement, comme t'es en société, si l'intelligence détruit l'esprit de l'intelligence en toi à cause de ton initiation, effectivement, il va y avoir des remous entre toi et les hommes qui sont dans la société avec toi. Et automatiquement, l'intelligence va faire une chose, c'est qu'elle va te prendre, elle va te dire, bon, ben, va-t'en dans la jungle, tu vas être tout seul. Alors, dans la jungle, tout seul, tu peux faire n'importe quoi, tu peux faire des mauvais coups avec les arbres, avec les animaux, mais personne n'est là pour te voir. Automatiquement, les hommes ne sont pas scandalisés dans le mouvement de l'esprit d'intelligence et dans la raison dont elle se sert pour transmuter la raison de l'esprit de l'intelligence. T'es seul, tu fais ton affaire, puis quand tes vibrations sont ajustées, puis tu reviens à la civilisation, et là, tu peux te servir de l'intelligence qui est ajustée, et là, tu peux parler aux hommes pour changer l'esprit de leur intelligence et les amener éventuellement à dépasser les nécessités mécaniques du raisonnement qui fait partie du travail de l'intelligence à travers l'esprit d'intelligence pour qu'il soit toujours maintenu dans une forme, c'est-à-dire en dehors de l'intelligence, parce que c'est pas le temps. Alors, l'homme doit apprendre petit à petit non pas à se méfier de son raisonnement, mais à utiliser son raisonnement, mais à ne jamais en être esclave. Et ça, c'est un point important que je veux que tout le monde écoute, parce que c'est un point que vous allez réaliser et comprendre un jour. L'homme doit utiliser son raisonnement, c'est-à-dire qu'il doit être capable de filtrer l'intelligence à travers le raisonnement, c'est-à-dire à travers l'esprit de l'intelligence. Mais ne jamais assujettir son raisonnement à l'esprit de l'intelligence. Autrement dit, l'homme a le pouvoir de se servir de pensées personnelles. L'homme a le pouvoir de penser des pensées dont il sait venant de l'intelligence. Mais s'il est intelligent et que l'intelligence n'est pas parfaite, c'est-à-dire que l'intelligence n'est pas totalement en dehors du monde de la pensée, il peut se servir du monde de la pensée pour comprendre les mécanismes de sa vie, mais ne jamais être assujetti par son raisonnement. Simplement se servir de son raisonnement pour voir, pour comprendre la cause derrière son action. Autrement dit, le but de l'intelligence en lui. Je vous donne un exemple. Je vais parler de ma femme parce que ma femme, elle fonctionne comme ça. Ma femme n'est pas fusionnée. Ma femme est dans l'intelligence, mais elle peut se servir de l'esprit de son intelligence. Autrement dit, elle peut penser. Puis elle pense, puis elle pense, elle pense. Moi, je viendrais fou penser comme elle. Mais elle, c'est normal qu'elle pense comme ça. Mais elle est suffisamment dans l'intelligence pour comprendre que son raisonnement provient de l'intelligence et n'est pas assujetti à l'esprit de l'intelligence. Ceci veut dire que quand elle raisonne selon son intelligence, automatiquement, elle est capable de voir dans le raisonnement, autrement dit, dans le défini des pensées, l'intelligence derrière l'esprit de son intelligence. Donc, automatiquement, elle va raisonner, puis elle va analyser une situation, mais son analyse ne succombe pas au pouvoir du raisonnement. Son analyse est une expression du raisonnement, qui est une expression de l'intelligence à travers l'esprit de son intelligence. Tandis que nous autres, c'est pas ça qu'on fait. Nous autres, on raisonne, puis on reste prisonnier de notre raisonnement. Et on oublie que notre raisonnement, c'est un empêchement à l'intelligence de se servir de l'esprit de l'intelligence pour nous faire comprendre quelque chose, ou nous faire voir quelque chose. C'est comme si il nous manque une lentille télescopique. On a simplement une lentille courte. On devrait avoir une lentille télescopique pour voir le travail ou la fonction de l'intelligence, le travail de l'esprit d'intelligence qui permet un raisonnement créatif au lieu de vivre un raisonnement purement mécanique. Et il y a une différence entre un raisonnement créatif et un raisonnement mécanique, c'est que le raisonnement créatif est toujours juste, tandis que le raisonnement mécanique n'est pas toujours juste. Il peut être juste, il peut être faux. Mais pour qu'un raisonnement soit créatif, il faut déjà qu'il y ait de l'intelligence manipulant l'énergie dans l'esprit de l'intelligence. Ça implique que la personne qui est dans l'esprit de l'intelligence et qui a derrière cet esprit de l'intelligence de l'intelligence soit consciente que le raisonnement ne provient pas d'elle, c'est-à-dire que le raisonnement n'est pas assujetti à son émotivité ni à son intellect, mais est assujetti à les mécanicités créatives imposées par l'intelligence sur l'esprit de l'intelligence. Autrement dit, je dirais que si je dis Si je dis, si je propose une situation à ma femme, là, elle va toute la regarder, l'affaire. Alors, l'intelligence, à travers l'esprit de son intelligence, autrement dit, ses formes pensées, va y développer l'affaire, mais elle ne se mêlera pas de ce qu'elle développe. Elle ne sera pas impliquée dans son raisonnement. Le raisonnement va se faire tout seul. Point de référence. Point de référence important. Le raisonnement se fait tout seul. Et une chose qui se passe, c'est que quand le raisonnement se fait tout seul, vous pouvez être assujetti à une très grande pression dans le mental. Parce qu'une personne dans laquelle le raisonnement se fait tout seul, à son insu, sans que l'esprit de l'intelligence en soit responsable, mais n'en soit que le véhicule, une telle personne peut passer des heures et des heures et des heures et des heures et des heures et des jours à suivre un raisonnement. Mais sans jamais être fatiguée, parce qu'elle est dans l'intelligence de l'esprit d'intelligence. Il y a toujours l'intelligence derrière comme support de ce que fait l'esprit d'intelligence, et la personne apprécie penser, et c'est la seule façon, c'est le seul moyen qu'une personne intelligente puisse aimer penser. Parce que pour aimer penser, pour avoir du fun à penser, il faut être très conscient que le raisonnement provient de l'intelligence derrière l'esprit d'intelligence. Mais si on n'a pas conscience que le raisonnement provient de l'intelligence, puis quand je dis si on n'a pas conscience, je veux dire si on n'est pas convaincu 100%, si on n'est pas sûr d'être sûr que le raisonnement provient de l'intelligence derrière l'esprit d'intelligence, à ce moment-là, on est incapable vibratoirement d'accepter la psychologie du raisonnement et automatiquement, on souffre au lieu d'avoir le plaisir de penser. Le raisonnement a deux fonctions dans l'homme, selon qu'il se conscientise ou qu'il soit inconscient. Si l'homme est inconscient, le raisonnement est simplement de la mécanicité créée par l'esprit d'intelligence à travers le voile, créée par l'intelligence à travers le voile de l'esprit d'intelligence pour le bénéfice de l'esprit d'intelligence. Et si je continue ça, contre le bénéfice de l'homme. Tandis que quand tu es conscient et tu fonctionnes au niveau du raisonnement créatif au lieu du raisonnement purement mécanique et dynamique, à ce moment-là, le raisonnement devient une vertu inférieure, mais créative, de l'intelligence derrière ou se servant de l'esprit d'intelligence pour le bénéfice de l'homme. Et c'est la seule façon, c'est le seul temps où l'homme peut raisonner, mais ne jamais être prisonnier de son raisonnement. Sans ça, l'homme est prisonnier de son raisonnement et automatiquement, il s'empêche d'être dans l'intelligence. Il ne reste que dans l'esprit de l'intelligence. Et la limite entre l'esprit d'intelligence et l'intelligence est très, très, très subtile. Elle est bien moins loin, vous pensez. Bien moins loin. La distance, si vous voulez, entre l'esprit d'intelligence et l'intelligence, n'est pas aussi loin, vous pensez. Mais elle est aussi loin que vous pouvez vous imaginer. Elle n'est pas aussi loin que vous pensez. Ça se comprend, hein? Okay. C'est une preuve que l'intelligence n'est pas aussi loin qu'on pense de l'esprit d'intelligence, mais elle est aussi loin qu'on peut s'imaginer. À ce moment-là, demain, ça devient la communication, une espèce de communication télépathique vibratoire en même temps que tu raisonnes. C'est ça, exactement. Puis quand tu raisonnes, tu es supposé être capable de comprendre pourquoi tu raisonnes de telle façon. En même temps. Quand tu raisonnes, tu dois être capable de comprendre pourquoi est-ce que tu raisonnes de telle façon, parce que si tu ne comprends pas pourquoi tu raisonnes de telle façon, ça veut dire que tu n'as pas la vibration d'intelligence en toi qui éclaire l'esprit de ton intelligence et qui conforme ton raisonnement à l'intelligence. Ça laisse ton raisonnement simplement une patente sur le mur de l'esprit d'intelligence. Alors, quand tu raisonnes, tu devrais être capable de savoir exactement pourquoi est-ce que tu raisonnes de telle façon. Et ça, c'est un des beaux aspects, des grands aspects de l'intelligence de ma femme et de l'intelligence de beaucoup de gens qui rentreront dans l'intelligence. Si tu sors de ton raisonnement, tu sors de la porte. Quand tu ne peux pas suivre deux raisonnements en même temps. Quand tu sors de ton raisonnement dynamique, tu sors de la valeur de la forme du raisonnement créatif. Et si tu sors de la valeur de la forme du raisonnement créatif, tu rentres dans la valeur de l'intelligence créative à travers l'esprit d'intelligence pour renforcer la forme de la raison créative et ta portée sur le plan humain, puisque tu penses créativement, suffisamment d'informations pour orienter ta vie de telle façon et être sûr que ce que tu fais, c'est correct. Et c'est ça. Quand tu es fusionné, tu n'as pas besoin de raisonner parce que tu n'es pas capable. Mais quand tu n'es pas fusionné et que tu es dans l'intelligence, tu as besoin de raisonner créativement pour comprendre ce que tu fais. Tu ne peux pas aller à l'aveuglette. Moi, je vois toujours à l'aveuglette parce que je n'ai pas besoin de raisonner. Fait que je fonctionne toujours à l'aveuglette. Mais pour fonctionner à l'aveuglette, il faut être beaucoup dans l'intelligence. Bon. Mais si tu n'es pas fusionné, à ce moment-là, tu ne peux pas fonctionner à l'aveuglette. À ce moment-là, tu es obligé de fonctionner avec ton raisonnement. Mais ton raisonnement doit être créatif pour t'apporter les fruits de l'intelligence derrière l'esprit de ton intelligence. Autrement dit, quand tu raisonnes créativement, tu te sers de l'esprit de ton intelligence, mais sous le contrôle de l'intelligence. Tandis que quand tu es fusionné, tu n'as plus d'esprit d'intelligence, tu as une intelligence. Bon, c'est infini, c'est pour ça que ça peut durer, tu disais, ça peut durer 2 ou 3 jours, parce que c'est infini. Ouais. C'est alimenté, l'énergie s'alimente. OK. Partant de ce que tu dis, là, c'est infini, surtout si c'est un écran mental. C'est encore plus intéressant. Parce que si c'est un écran mental, tu peux raisonner créativement, autrement dit, et non dynamiquement et non mécaniquement, à ce moment-là, tu vas tout voir ce que tu raisonnes. Et tu vas comprendre pourquoi tu raisonnes de telle façon. Et que tu raisonnes n'importe quoi, tu vas toujours voir ce que tu raisonnes. Et il y a des gens qui sont capables de voir ce qui résonne, et même s'ils résonnent dans des domaines qui sont totalement occultes et invisibles aux sens, ils vont voir automatiquement ce qui résonne, et automatiquement, ils sont capables de voir dans l'invisible, mais par le biais de l'écran mental. Et pour un homme inconscient, c'est-à-dire pour un homme conscient qui n'est pas fusionné, voir dans l'invisible par le biais de l'écran mental, c'est très bon, c'est très intéressant, c'est même extraordinaire. Mais il faut que tu sois sûr que ce que tu vois dans l'invisible par le biais de ton écran mental ne provient pas de la mécanicité ou des effets de l'esprit de ton intelligence. Que ça provient de l'intelligence et de ses effets sur l'esprit de ton intelligence en relation avec ton raisonnement créatif. Et tu ne pourras pas raisonner créativement autre que ce que tu dois raisonner parce qu'il ne te sera pas permis de voir autre que ce que tu dois voir. Autrement dit, la personne qui raisonne créativement ne peut pas raisonner dynamiquement, mécaniquement. Elle est obligée de raisonner d'une certaine façon qui est créative. Et c'est ça qui lui permet de voir par l'écran mental dans l'invisible à des niveaux très, très, très, très loin. Tandis que la personne qui est forcée de vivre son raisonnement au niveau dynamique et mécanique ne va pouvoir voir dans l'invisible astral. Mais elle ne verra pas dans l'invisible du monde de la forme. Elle est prisonnière de son raisonnement. C'est ça. Il faut en arriver à ne pas être prisonnier du raisonnement, mais de se servir du raisonnement pour libérer dans l'esprit de l'intelligence suffisamment d'informations pour rendre la vie sur Terre dans le corps matériel intéressant. Fait que des fois, ma femme, elle va être assise. Excusez-moi, je parle de ma femme, mais elle va être assise, puis je vais dire, qu'est-ce que c'est? Elle ne parle pas. Je vais dire, qu'est-ce que tu fais? Je pense. Je comprends ce qu'elle veut dire. Ça veut dire qu'elle regarde avec l'esprit de son intelligence, ce que l'intelligence lui permet de voir à travers le monde mental. Voilà. Je vous explique ce qui se passe au cours du bout. Le raisonnement, c'est un couteau à deux tranches. Mais l'homme en a connu seulement qu'une lame. L'homme connaîtra l'autre lame. Et l'autre lame du raisonnement, l'autre aspect du raisonnement est très intéressant, mais il nécessite que l'homme ait de l'intelligence derrière l'esprit de son intelligence et qu'il en soit conscient de l'intelligence. Mais pour qu'il soit conscient de l'intelligence derrière l'esprit de l'intelligence, il doit être capable d'abord de réaliser que tout ce qu'il pense n'a aucune valeur pour lui. Si ça a le moindrement de la valeur pour lui, ça ne fait pas partie du travail de l'intelligence derrière l'esprit de l'intelligence, mais ça fait partie du pouvoir de l'esprit de l'intelligence sur la forme de sa pensée. C'est un autre point. C'est là que les psychiques font erreur. Les gens qui sont psychiques. L'homme ne peut pas conditionner la nature de... L'homme ne peut pas conditionner la nature de son expérience sur le plan du monde mental. Il peut le faire sur le plan du monde astral, mais sur le plan du monde mental, il ne peut pas parce que l'homme ne peut pas avoir accès au monde mental selon son corps de désir ou selon ses attitudes personnelles. C'est selon les lois de la vibration de l'intelligence en lui qu'il voit telle chose, telle chose, telle chose. Alors, son raisonnement doit de plus en plus être créatif au lieu d'être dynamique et mécanique, et ce qu'il raisonne ne doit jamais être pour lui, doit toujours être. Point, c'est tout. Alors, aussitôt que vous raisonnez quelque chose pour vous-même, vous détruisez en vous le pouvoir de l'intelligence dans l'esprit de votre intelligence et vous demeurez sous l'emprise de l'esprit intelligent et vous l'avez, et vous avez malheureusement l'impression d'être intelligent. Vous avez l'impression d'être intelligent. Qu'est-ce qui conditionne le blocage pour empêcher l'homme d'entrer trop vite? Yes. Sa structure, son être, son mental, son émotionnel, son être psychique, son être électrique que l'intelligence connaît. L'intelligence ne peut pas détruire l'homme. Comme elle est parfaite, elle connaît. Il y a un timing. C'est pour ça qu'il y a des gens qui étudient les sens occultes, puis les ci, puis les ça, puis qui se brûlent, puis qui capotent, puis ils viennent foulettes. Puis ils pensent qu'ils sont intelligents. Ils ne sont pas intelligents. Ils sont dans l'esprit d'intelligence, mais à un point où l'esprit d'intelligence est tellement accéléré qu'ils ne peuvent plus l'arrêter, cette affaire. C'est grave. Alors, le raisonnement, c'est une fonction de l'intelligence derrière l'esprit d'intelligence. Et lorsque l'homme se conscientise et qu'il devient de plus en plus intelligent, qu'il a accès à plus d'intelligence derrière son esprit d'intelligence, il s'aperçoit que le raisonnement est une grande façon pour lui d'interpréter la nature des choses, mais pourvu qu'il ne soit pas attaché à l'interprétation, autrement dit, au raisonnement. S'il est moindrement attaché au raisonnement, ça va bloquer, il ne verra plus dans le monde de la forme. Il va retomber automatiquement dans le monde astral et il va interpréter le monde astral comme étant le monde de la forme. Et c'est là que les grandes erreurs, les grandes hérésies dans le domaine ésotérique se font. Et c'est pour ça que dans le domaine ésotérique, plus que dans n'importe quel autre domaine, superimposer deux théories, deux écoles, deux philosophies, vous verrez que ce qui sort de ces écoles, de ces théories-là, est souvent différent. Regardez les livres qui parlent de la vie du Christ. Le livre qui parle de la vie du Christ, regardez les deux textes, vous allez voir, c'est différent. Excepté les faits historiques, là, qui sont bien connus. Si ça va dans les détails moindrement, là, comment est-ce qu'il s'habillait, ce qu'il mangeait, ses petits chums, ses amis, là, paf, ça clique plus. Alors, l'intelligence, ce qu'on appelle de l'intelligence, ce n'est pas de l'intelligence. L'esprit de l'intelligence, c'est de l'intelligence. Mais l'intelligence, ce n'est pas de l'intelligence, c'est une énergie qui organise matériellement, vibratoirement, un principe quelconque d'énergie de l'homme, que ce soit le mental inférieur ou le mental supérieur. Et cette énergie, si elle organise le mental inférieur, ça crée l'esprit d'intelligence, et si ça organise le mental supérieur, ça crée ce qu'on appelle l'intelligence universelle, autrement dit, ça propose un perfectionnement dans le mouvement de l'homme à travers l'espace et le temps. C'est pour ça qu'un homme qui est dans l'intelligence n'est pas intéressé à la connaissance. Parce que l'intelligence, ce n'est pas de l'intelligence. C'est une énergie qui crée quelque chose tellement harmonieux que ça apparaît comme étant intelligent. Alors, j'ai rien contre le fait que les gens pensent ou que les gens raisonnent. Mais j'ai contre le fait que les gens pensent sans réaliser qu'ils ne doivent pas s'attacher au raisonnement. Qu'ils doivent laisser le raisonnement se faire par lui-même et eux s'en dévestir complètement. Exactement. Et si vous vous habituez à ça, vous allez voir qu'il se passe beaucoup de raisonnements dans votre tête, puis vous allez vous apercevoir que vous avez accès à pas mal d'intelligence. Wow, parce que vous avez des informations. C'est tellement des fois que ça fait un petit peu trop dans votre tête, vous allez dire, wow, c'est assez. Wow. Et puis ça continue pareil, puis ça s'arrête. On contrôle pas le raisonnement créatif, mais on contrôle le raisonnement mécanique et dynamique. Alors, le raisonnement créatif sert à l'intelligence parce qu'il permet à l'intelligence d'augmenter le taux vibratoire du mental inférieur. C'est ça que ça sert. Plus on va avancer dans le domaine de l'intelligence, ou plus on va avancer dans le domaine de la vie, ou plus on va avancer dans le domaine de l'explication de l'homme, plus on va réaliser que l'homme n'est qu'une facette de l'intelligence. L'homme est effectivement une facette de l'intelligence, et la composition totale de cette intelligence-là, sur les plans que l'on connaît, crée ce qu'on appelle l'homme. C'est pour ça que l'homme est en fait une organisation multidimensionnelle d'une énergie que l'on appelle de l'intelligence. Autrement dit, on peut dire éventuellement que l'homme est intelligence. Il est intelligence parce que sur les plans où cette intelligence vibre, il y a une organisation harmonieuse de la matière, telle que dans le corps physique, le corps vital. Mais ces corps-là sont beaucoup plus avancés dans leur développement que le corps émotionnel et le corps mental. De sorte que plus on monte dans les valeurs ultimes de l'homme, moins il y a de perfection. Plus on est dans la matière de l'homme, plus il y a de perfection. Il faut éventuellement qu'il y ait une perfection égale dans l'homme à tous les niveaux. Et lorsque l'homme sera égal dans la perfection de tous ses principes, il sera immortel. Il n'y a pas de choix. Et ça nous amène à réaliser que lorsque l'on dit que l'intelligence, l'énergie de l'intelligence crée l'homme, à ce moment-là, il est facile de comprendre que l'homme peut créer une nouvelle forme d'intelligence sur la Terre. Et effectivement, l'homme créera une nouvelle forme d'intelligence sur la Terre lorsqu'il sera dans l'éthérique. Et la forme d'intelligence qu'il créera proviendra du fait qu'il aura été capable d'intégrer tous ses principes et de recanaliser l'intelligence d'une autre façon. Pour vous donner un exemple proche, là, il existe dans la Terre de l'huile, du pétrole. Mais les scientifiques ont été capables de créer du pétrole synthétique. Alors, le pétrole synthétique est encore plus puissant que le pétrole naturel. Parce qu'il y a eu une intervention de l'intelligence de l'homme. Il y aurait fini. Il y a eu une intervention. C'est la même chose au niveau de l'intelligence. Il y aura un jour une intervention dans le domaine de l'intelligence par l'homme. Parce que l'homme sera déjà dans l'intelligence. Et l'intelligence doit accroître son pouvoir dans les sphères. Et pour qu'elle accroisse son pouvoir dans les sphères, il faut qu'elle se dédouble. Et un jour, l'intelligence se dédoublera. Et lorsqu'elle se dédoublera, il y aura la création dans ces sphères d'une autre énergie qui proviendra de l'intelligence dans l'homme et qui permettra de construire des cerveaux électroniques qu'on appelle des cerveaux électroniques. Ce n'est pas des cerveaux électroniques, en tout cas, des machines qui penseront. Parfaitement. Qui ne seront jamais programmables. Qui seront liés à la mémoire de l'homme. Alors, autant l'homme aujourd'hui vit la mémoire, demain, les machines vivront dans la mémoire de l'homme et l'homme n'aura plus à penser. Et le phénomène de la mécanisation de l'intelligence est un phénomène extrêmement important pour les scientifiques de demain. Parce que le phénomène de la mécanisation de l'intelligence permettra à l'homme de se libérer complètement des tâches ardues de l'organisation matérielle des données dans le cosmos, permettant à des machines de réellement organiser et intégrer ces données-là, mais d'une façon parfaite. Et ça permettra à l'homme de faire autre chose. Parce que l'intelligence, le domaine de l'intelligence, c'est ça que je dis tout le temps, l'intelligence, ce n'est pas de l'intelligence. L'intelligence, c'est de l'énergie. Mais lorsque l'homme sera dans l'intelligence, c'est-à-dire lorsque l'homme sera totalement intégré, à ce moment-là, il sera possible pour l'homme de connaître les espaces de cette énergie-là. Et les espaces de cette énergie-là qu'on appelle l'intelligence sont infinis. Et ce sont dans ces espaces que l'homme voyage là. Et c'est pour ça qu'on dit que l'homme ou l'esprit de l'homme voyagera dans le temps. Mais un temps qui n'est pas le temps que nous connaissons. Un temps qui est autre, qui appartient aux espaces de cette énergie, qui fait partie du monde éthérique. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans pour moi. perte de temps, par exemple. Le raisonnement, c'est une fonction de l'esprit de l'intelligence qui retarde l'homme. Le raisonnement créatif, par contradiction au raisonnement mécanique, est une fonction qui accélère dans l'homme la descente de l'énergie de l'intelligence dans l'esprit de son intelligence et qui augmente le taux vibratoire de son mental supérieur et qui le rend éventuellement susceptible à rencontrer dans son mental supérieur des forces qui créeront pour lui ils veulent plus parler. Y a-t-il des questions? Parlez-moi des questions. Parlez-moi des questions. Des questions. L'orgueil, c'est directement proportionnel à l'impression d'être. C'est plus que l'impression d'être. L'orgueil, dans le sens, ça veut dire que c'est pas l'orgueil. L'orgueil, c'est une vibration dans le mental inférieur qui permet à l'homme de sentir que l'esprit de son intelligence a une valeur. Mais cette vibration-là... Où est-ce qu'il y a une valeur dans l'esprit d'intelligence et d'orgueil? C'est toujours une certaine appropriation de l'intelligence. Tu sais, on dirait que quand il y a quelque chose qui vient, une vibration qui passe, c'est que on dirait qu'il y a une autre vibration de suite en arrière qui passe, puis on dirait que tu veux t'approprier cette vibration-là parce que c'est tellement réel, c'est tellement ça, que là, à ce moment-là, tu veux la communiquer, tu veux la dire, tu difformes tout, mais c'est toujours cette tendance, cette vibration-là, par derrière l'autre vibration, que ça, c'est toujours cette possession de... Ça, c'est l'esprit d'intelligence. C'est ça qui vous rencontre la dualité. Ça crée une souffrance, ça crée une petite tension. Ça vous rencontre dans votre ego. Ouais, c'est toujours à remettre en... Ça revient tout le temps. Ouais. Parce que dans le fond, qu'est-ce que c'est de l'ego? Je l'explique d'une autre façon, pour faire comprendre autre chose. De l'ego, c'est la différence. La différence vibratoire entre l'esprit d'intelligence et l'intelligence. C'est ça, de l'ego. La différence entre les deux, là, c'est de l'ego. Plus la différence est grande, plus il y a d'ego. Moins la différence est grande, moins il y a d'ego. Tant qu'il n'y a plus de différence, autrement dit, que l'esprit d'intelligence disparaît, il n'y a plus d'ego. Alors, l'ego, ce n'est pas une structure psychologique. Chasson, c'est intéressant. Ouais. L'ego, ce n'est pas une structure psychologique, comme pensent les gens. L'ego, c'est une variation. C'est un différentiel. C'est une... c'est une dualité qui provient du fait que l'esprit de l'intelligence et l'intelligence ne sont pas un. Ou qu'un n'est pas absorbé dans l'autre complètement. C'est ça de l'ego. Et ça, ça crée de la réflexion. Ça, c'est fatigant. Ça, ça agace l'ego. Autrement dit, ça devient évident, puis évident, puis c'est fatigant. Parce que c'est un cercle vicieux. Ça veut rien faire. Ça veut rien faire. Ça se fait. Pour que l'esprit de l'intelligence disparaisse, autrement dit, pour qu'il y ait une intégration de l'esprit de l'intelligence avec l'intelligence, il faut que l'homme soit instruit. Quand il est instruit, on fait vibrer l'esprit de son intelligence à une plus haute fréquence. Fait qu'éventuellement, la fréquence est tellement haute qu'elle se fonde dans l'intelligence et l'esprit de l'intelligence disparaît automatiquement. C'est pour ça que je vous parle. Je ne vous parle pas de donner la connaissance. Je change pour changer. Je vous parle pour changer les vibrations de l'esprit de votre intelligence. C'est tout ça que même si vous dites, ben oui, mais Bernard, il en parle de temps, ça, ça va être chaud, on doit écouter ça, c'est tap, ça ne change rien. Parce que plus je vous parle, plus je change l'esprit de votre intelligence. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis qui compte. Est-ce qu'il vibre? D'autres questions dans ce domaine-là? Le raisonnement de l'esprit d'intelligence, c'est en rapport à ce qu'on a appris du raisonnement. Ouais. C'est lié à votre mémoire, c'est lié avec ce que vous avez appris, c'est lié à toutes les pensées que vous avez dans la tête. Quand on est dans l'intelligence du raisonnement, c'est qu'on regarde raisonner. Vous pouvez vous regarder raisonner. Ouais. Vous vous servez du même matériel, mais vous n'y êtes pas attaché, émotivement ou mentalement. Il y a un autre aspect extrêmement subtil du raisonnement. C'est que le raisonnement accuse toujours l'ego d'être imparfait. OK, je vous le dis de différentes façons. Le raisonnement laisse toujours un arrière-goût dans l'ego. Le raisonnement laisse toujours une imperfection dans l'ego. On va vous dire de différentes façons, fait que vous allez le catcher, ça, moi. Le raisonnement vous rend toujours conscient d'une imperfection. Le raisonnement vous laisse toujours une incapacité de résoudre. Le raisonnement n'a jamais de fin. Parfait. Le raisonnement, il y a toujours un petit fil qui traîne. Le raisonnement, il y a toujours un problème qui n'est pas totalement résolu. Le raisonnement ne permet jamais de résoudre rien parfaitement. Dans le raisonnement, il n'y a rien de parfait à la fin. Le raisonnement est lié à la pensée, est lié à l'émotion, est lié à la phrase que produit la pensée par le raisonnement. C'est un fil. La pensée est là, le raisonnement est là. Ce que l'on ressent ou ce que l'on vit, ça ne change rien. On ne devrait pas raisonner. Je vous dis pas, vous ne devriez pas raisonner. Je vous explique la mécanique du raisonnement pour vous faire comprendre ce que je veux dire, pour changer les vibrations de l'esprit, de l'intelligence, pour que vous en arriviez à reconnaître une autre forme de raisonnement avec le temps. En vous en parlant, vous allez reconnaître avec le temps une autre forme de raisonnement. Il faut que je vous parle de quelque chose pour que vous en preniez conscience. Si je ne vous en parle pas, vous n'en prendrez jamais conscience. C'est pour ça que je parle de temps, là, toutes sortes de choses. Quand vous parlez du raisonnement, en vous expliquant la nature du raisonnement, automatiquement, l'intelligence ajuste votre raisonnement par le biais de l'esprit d'intelligence. Autrement dit, quand je vous parle, les autres travaillent sur votre mental, automatiquement. De sorte que, vous apercevez que le raisonnement change. Il devient plus créatif parce que déjà, vous avez été indiqué comment ça fonctionne. Et quand tu sais quelque chose, tu ne peux pas le savoir et tu ne peux pas changer. Tu n'as pas à comprendre. Aussitôt que tu sais quelque chose, il y a quelque chose qui change en toi. Est-ce que le raisonnement peut engendrer goût, dont le désir de garder les pensées en soi? Le raisonnement contient le goût de garder les pensées en soi. Le raisonnement est totalement possessif. Totalement. C'est seulement le raisonnement créatif qui est totalement dépossédé des pensées, qui est totalement non attaché aux pensées. Oui, c'est du raisonnement. C'est une organisation intelligente de la forme, dans laquelle il y a une suite, dans laquelle il y a une conclusion, dans laquelle il y a un dénouement. C'est comme si quelqu'un reçoit une idée, disons la pensée, d'avoir une maison. Puis à ce moment-là, la personne raisonne sur le dénouement qu'il pourrait y avoir, possibilité d'avoir une maison. Puis s'il n'y a pas dénouement, disons que s'il n'y a pas les possibilités, si ce n'est pas là, ça veut dire que la pensée qui arrivait n'était pas parfaite. C'est-à-dire qu'elle n'était pas dans le temps. Le raisonnement, à ce moment-là, c'est le travail qui donne rien. Ah, ce travail qui donne quelque chose, ça va permettre à la personne de se détacher du raisonnement pour attendre que le temps vienne, pour que la maison vienne. Une personne qui... On n'a pas besoin de raisonner la chose. Si tu es dans ton intelligence, tu sais exactement ce qu'il faut. Puis si on envoie la pensée de la maison, tu sais que tu ne peux pas l'avoir là. Mais tu n'as pas besoin de raisonner sur ça. Mais pour savoir si tu peux l'avoir, il faut que tu puisses la raisonner. À ce moment-là, on se sépare du savoir. Seulement si vous vous attachez au raisonnement. Si vous ne attachez pas au raisonnement, comment ça serait 10 ans? Tu sais que tu vas l'avoir à la maison, puis tu vas le raisonner, et le raisonnement que tu vas faire, le raisonnement créatif, va te permettre d'engendrer sur d'autres plans de l'énergie qui va t'amener à la construction de la maison. Parce que la maison n'a pas né tout seul. Il faut que ça soit quelque chose. Alors, il faut que l'énergie soit déposée en banque. La banque, c'est l'autre bord. Plus que les livres de la puissance de pensée, qu'à un moment donné, c'est le même mécanisme. Avec la seule différence, c'est que dans le phénomène de puissance de pensée, c'est que tu vas t'attacher au désir de la pensée. Puis si tu t'attaches au désir de pensée, tu vas avoir des choses que tu n'as pas besoin. Puis si tu as des choses que tu n'as pas besoin, tu vas leur dire ta vie. Tandis que, dans le cas contraire, tu vas avoir des choses que tu as besoin, mais dans leur temps. C'est ça que, si vous me demandez qu'est-ce que j'ai contre les théories de la puissance de la pensée et tout ça, je vais vous dire que c'est tout lié au corps de désir. Ça, c'est dangereux. En réalité, c'est quand même un désir. C'est une idée, mais qui n'est pas astralisée. Un désir, c'est une idée astralisée. Non. Mais en réalité, ça part à la base d'une idée. Tout part à la base d'une idée, seulement l'idée, elle peut être astralisée ou l'idée, elle peut être totalement supramentale. L'idée est astralisée, devient l'idée, mais quand elle devient supramentale, elle se réalise dans un temps. Ouais. Mais comme tu dis, le mécanisme de mentalité, l'idée, quand tu raisonnes créativement, tu constates les possibilités dans le temps présent. Puis ça t'amène à réaliser que tes possibilités ou que tu les as pas. Fait que si tu les as pas, t'attends. Puis plus tard, les possibilités reviennent, tu raisonnes encore, tu regardes, puis tu les as pas, mais tu les as plus qu'avant. Puis ensuite, tu raisonnes encore plus loin, tu les as pas encore, puis tu raisonnes, mais tu es encore plus proche qu'avant. Puis un jour, whoop, tu raisonnes, puis tu vois que tu l'as l'argent en banque, puis tu vois qu'il y a possibilité, puis là, tu fais l'action. Fait que tu as nourri la forme, mais c'est une forme qui n'a pas été nourrie par le corps de désir, de sorte qu'elle va te bénéficier karmiquement. Pardon. Tandis que l'autre, elle peut te mettre dans des maudits pétrins. Parce que l'autre fait partie de la magie noire, dans son long terme. Aussitôt que l'homme désire quelque chose, il travaille avec les forces de l'inconscient. Si tu travailles avec les forces de l'inconscient, tu ne travailles pas avec l'énergie de l'intelligence. Raisonner, c'est mentaliser. Du moment que le raisonnement est créatif. Mais si le raisonnement est mécanique et dynamique, à ce moment-là, tu ne mentalises pas, tu astralises. La forme que tu nous installes, l'intelligence, l'esprit de l'intelligence. Anyway, ça va toujours être pour nous autres l'esprit de l'intelligence. Parce que pour être capable, comment ça, parce qu'on pense. Fait que c'est une autre forme dans l'esprit de l'intelligence. C'est pas le fait que vous pensez qui est mauvais. C'est le fait que vous ne savez pas penser. Vous ne savez pas comment penser. Vous pensez avec l'esprit de l'intelligence au lieu de penser avec l'intelligence. Qui se sert de l'esprit d'intelligence pour amener le matériel au niveau de votre mental. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de différenciation réelle entre l'esprit d'intelligence et l'intelligence. C'est une forme que tu nous installes dans l'esprit de notre intelligence. C'est pas bête. Mais je ne peux pas vous l'expliquer tout de suite. C'est grave, l'esprit d'intelligence. Mais, tu sais, quand je parle, je pourrais monter, mais c'est tout l'esprit d'intelligence, parce que je pense. Oui. Seulement, c'est conditionnel. L'esprit d'intelligence, comme tu le conçois aujourd'hui, ou dans lequel tu vis aujourd'hui, l'esprit d'intelligence que tu vas vivre ou connaître dans 2 ans est différent vibratoirement. Parce que dans 2 ans, il y aura plus d'intelligence derrière l'esprit d'intelligence. Puis dans 10 ans, c'est la même chose. Puis dans 15 ans, c'est la même chose. Dans 15 ans, l'esprit de ton intelligence va être différent d'aujourd'hui. Parce qu'il y aura plus d'intelligence derrière l'esprit de ton intelligence. Fait qu'automatiquement, tu t'en vas toujours de plus en plus vers une intégration des deux. Quand l'intégration des deux sera faite, ça sera la communication télépathique. Parce que la séparation, la sorte de séparation que tu fais, c'est une forme que tu nous installes, mais elle n'est pas réelle. C'est-à-dire qu'elle est réelle dans le monde de nos formes, mais elle n'est pas réelle dans le réel. Dans le sens qu'il n'y a pas de scission véritable entre l'esprit d'intelligence et l'intelligence. C'est toute la même énergie. C'est toute l'énergie. Oui, mais elle est dégradée. Il y a eu ce qu'il y a dégradation, il y a séparation. Il y a eu ce qu'il y a séparation, il y a division. Où il y a division, t'as des lois qui engendrent différents mécanismes. C'est ça qui tue l'universalité. C'est comme des gens vont dire, les vieux parlent de même, ils disent, je comprends pas pourquoi le bon Dieu m'a enlevé mes deux enfants. Puis c'est pas bête. Mais s'ils avaient été plus conscients, ils n'auraient pas perdu. Comment vous dire? Comment vous dire? Mais par rapport à ce que tu nous dis présentement, pour les gens qui ont eu l'idée de penser à parler à leur ajustant de penser, à ce moment-là, il y a une question. Non, le point, c'est pas là. Parler avec les ajusteurs de pensée, il n'y a rien là. C'est pas quand vous parlez avec les ajusteurs de pensée que vous vous mettez dans la merde. C'est quand eux autres vous parlent. Ça, c'est subtil, ça. Celle-là, elle m'a passé, là. Pa. Celle-là, elle m'a passé, là. Puis vous pouvez mettre un X dessus. C'est subtil, d'ailleurs, hein? As-tu entendu ça, Croteau? Je suis bien consistant de ma folie. D'accord. Mais ça vous rend conscient de l'intelligence. Sans ça, vous resteriez toujours dans l'esprit de votre intelligence. Là, au moins, vous devenez conscient de votre intelligence, mais c'est pas fini. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas quand on le parle qu'on se met en mer, c'est quand tout le monde nous parle. Parce qu'à ce moment-là, quand tu nous parles, si quand tu nous parles, on n'est pas assez près de l'intelligence, qu'on est trop dans l'esprit de l'intelligence, on l'écrit, on se fait chorer. Il arrive un temps aussi que je vais parler de. Il y a des journées, par exemple, que je me sens bien. Je reçois des informations, je m'en occupe pas. Achetez-moi pas. Il y a d'autres tantôt, là, où j'ai des informations. Automatiquement, j'engendre une question. Et là, à ce moment-là, il y a un blocage. J'ai aucune réponse. Mais là, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec vous-là? Vous posez des questions, vous m'envoyez des idées, puis là, je vous pose une question, vous ne pouvez me répondre. Puis il n'y a rien qui se produit. Donc, je vais m'envoyer à mon œil. Si tu veux, pour rendre conscient l'esprit d'intelligence. Communication. Communication. Quand, à ce moment-là, il n'y en a plus de communication entre les deux, et qu'il y a juste de l'information, je peux peut-être vous poser une question. Techniquement, non. Si vous leur posez des questions, c'est parce que vous êtes encore dans l'esprit d'intelligence. Mais ça ne vous enlève pas le droit. Ça vous enlève pas le droit de leur poser des questions. Parce que c'est une relaxation, communiquer. Communiquer, c'est la chose la plus fondamentale de l'univers. Les esprits communiquent. Alors, l'homme est esprit. Alors, communiquer, il n'y a rien de plus fondamental dans l'univers que communiquer. Alors, communiquer, c'est plaisant. Ce n'est pas plaisant quand tu te fais charrier. Mais quand tu parles comme du monde, communication, c'est très intéressant. Et quand tu parles réellement comme du monde, autrement dit que tu es réellement dans l'intelligence, que ton esprit, l'esprit de ton intelligence ne fait pas interférence à l'énergie, à ce moment-là, tu as le pouvoir de connaître ce qui va se passer dans l'avenir. Tu as le pouvoir de connaître. Tu as une voyance. Tu es dans le futur du présent. Mais il faut pas que tu y sois attaché. Ils savent, eux autres, si l'esprit de l'intelligence est attaché à l'information qui vient de l'intelligence.